s'élève là-haut, au-dessus des oiseaux, et va téter l'air pur au profond de l'azur. Qui fait ce haut voyage au-dessus des nuages, cherchant la plénitude à si haute altitude. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Passe les montagnes au-dessus des campagnes, dominant la nature, et pour quelle aventure? Qui s'extrait du dédale, bâtit des cathédrales, qui passe les étoiles en vaisseau de métal? Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. C'est l'homme simplement, c'est le roseau pensant, si fragile là-haut, parce qu'elle avait tout faux. Le silence éternel des espaces infinis, où l'homme va frayant, n'est pas si effrayant. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Icare et Prométhée nous l'avaient annoncé, l'homme roseau pensant fit un pas de géant. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Vieux César, il est temps de traverser le temps. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil. Ceux qui vont s'envoler te saluent, vieux soleil.